Les petites histoires de Tell Me. L'étrange tour, chapitre 2. Robin s'effondre dans un coin de l'ascenseur et me fixe avec un air de chiot apeuré. Je m'en veux un peu de l'avoir embarqué là-dedans. On est fichu. T'inquiète, on dira que c'est pour notre exposé. Il va appeler la police et on va être puni à vie. Mais non, on jette juste un coup d'œil rapide et on s'en va, promis. Quelques secondes plus tard, l'ascenseur s'ouvre sur le couloir du 40e étage. Un couloir large et lumineux, tout ce qu'il y a de plus normal. Avec au bout, une porte imposante, normale elle aussi. Enfin, si ce n'était les deux vases gigantesques posés de chaque côté, d'où jaillissent des tas de plantes. Voilà, maintenant on sait que le propriétaire aime les plantes, super, viens. Luna ! Persuadé que ce n'est pas la porte d'un simple appartement, je m'avance. La moquette est si épaisse que j'ai l'impression de marcher en apesanteur sur la lune. De près, la porte ne présente rien d'anormal. Je cherche une sonnette et n'en vois pas. Soudain, Robin se jette sur moi et me tire derrière l'un des deux énormes pots de fleurs. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Le concierge nous a rattrapés ? Non. Un jeune garçon, bonnet vissé sur la tête, les bras couverts de tatouages géométriques, apparaît. Il s'avance, se fait tout petit, s'arrête devant la porte, on retient notre respiration, murmure quelque chose, puis entre dans l'appartement. Oh la jambe belle ! Bon, maintenant on y va. Robin, regarde ! Quoi ? Oh non ! La porte était restée entrouverte. Je la pousse, tout doucement, pour découvrir un vaste salon comme ceux que l'on voit à la télé ou dans les magazines. Tout est beau, parfait, rien ne dépasse. Une baie vitrée sans fin donne sur le jardin-forêt. En temps normal, j'aurais eu envie de tout explorer. Mais je n'avais pas le cœur à ça. Robin avait raison. Ce n'était qu'un simple appartement et il ne valait mieux pas tomber sur le tatoué. Alors que je referme la porte, dépité, la voilà qui s'ouvre brusquement. Quelqu'un me rentre dedans et m'entraîne dans sa chute. Robin étouffe un cri. Oh, c'est le tatoué! Il se relève et nous dévisage. Eh bien, qu'as-tu trouvé, Simon? Une vieille dame à la peau noire comme la nuit, tachetée de blanc, s'avance. Elle pose sur nous un regard aussi pétillant que pénétrant. L'excitation me rend muette. Désolé, on s'est trompé d'étage. On va vous laisser. Ne partez pas. Si vous êtes là, c'est pour une bonne raison, non? Robin regarde autour de lui, embarrassé, puis baisse la tête. On voulait savoir ce que c'était le dôme. Maintenant on sait, désolé de vous avoir dérangé. On aurait dû sonner, pas entrer sans permission. La curiosité n'est pas qu'un vilain défaut. Elle peut être très utile. Venez. En entrant, le décor change. Les baies vitrées et les beaux meubles disparaissent pour laisser place à un télescope gigantesque planté au centre du dôme. Tout autour, des bibliothèques forment un labyrinthe sans fin. Un enchevêtrement improbable de mezzanines se perd dans les hauteurs de l'édifice. Je le savais, j'avais raison. C'était plus qu'un simple appartement. En fait, vous avez tous les deux raison. C'est un appartement et un observatoire. Et vous observez quoi? Ce qui se cache derrière le voile de la réalité. Vous parlez de magie? Pas seulement. Il y a des tas de choses qui échappent au regard et à l'esprit des humains. On enquête, on observe, et surtout, on consigne tout dans nos registres. Mais ça a l'air trop bien ce que vous faites. Ton enthousiasme fait plaisir à voir, jeune fille. Que dirais-tu de nous aider? Mais trop! Pas vrai, Robin? On va devoir passer des tests comme dans les sociétés secrètes? Non. Mais si vous refusez, vous oublierez tout de ce lieu. Si vous acceptez, vous devrez jurer de ne jamais en parler. Et si on en parle, vous serez instantanément pulvérisé par notre rayon laser longue portée. Robin recule, s'en mêle les pieds et tombe à la renverse, effrayé. Pardon, c'était trop tentant. Vous oublierez tout et nous serons sans doute obligés de déménager, ce qui entraînera probablement tout un tas de complications. Mais je prends le risque. Et vous? Avec Robin, on n'a pas eu besoin de se parler. Juste de se regarder. Impossible de refuser ce genre de proposition, non? Mais avant que l'on puisse répondre, mon téléphone sonne. C'est mon père. Ma chérie, je suis au parc avec le goûter, vous êtes où, je ne vous vois pas. On a la librairie, on arrive. La vieille dame sourit et d'un claquement de doigts attire à elle un livre qui vient de l'immense bibliothèque. Il a pour titre « La formidable aventure de ceux qui voient ». En couverture, un groupe de quatre joyeux lurons chevauche une licorne, un cochon, un T-Rex et un chameau. Tenez, filez et revenez dès que vous le pouvez. Bienvenue chez les observateurs. Merci à Taous de nous avoir inspiré cette histoire avec l'une de ses photos. Vous avez une envie d'histoire ?